La France et l'Angleterre rencontrent le Führer et concèdent cette partie. La Tchécoslovaquie est d'accord. Et Adolphe leur dit, ça vaut plus la peine. Je vais la conquérir. Ça frustre tout le monde et malgré ça, l'Allemagne conquérit la Tchécoslovaquie sans que personne ne fasse rien. Et par après, l'Allemagne a continué à s'étendre sans que personne ne fasse jamais rien. Jusqu'au jour où l'Allemagne ne veut pas attaquer la Pologne. C'est évident que la Pologne ne sera jamais touchée par les forces hitlériennes. Et la France et l'Angleterre spécifient bien au Führer que si la Pologne est atteinte, ils vont se battre. Oui, ça fait 4 ou 5 nations, là. Petit pays qu'il conquérit, et on dit toujours qu'on va se battre. Il ne veut pas la guerre avec la France et l'Angleterre. Et la Pologne, jamais. 3 mois après, Varsovie capitule. La France entre en guerre contre l'Allemagne. Savez-vous comment l'Angleterre a commencé sa guerre? En bombardant l'Allemagne de tracts, de papiers. Pour leur dire d'arrêter. Et lorsque l'Allemagne a pris la France, il n'y a pas eu de guerre en France. Paris ne s'est même pas défendu. Il n'a même pas été défendu par l'armée française. Et jusqu'à temps que l'Angleterre officiellement déclare la guerre et que certaines forces, on a certains présidents, Truman entre autres et d'autres présidents, qui ont forcé Guadalcanal à être bombardé par les Japonais et qui avaient été avertis de l'attaque imminente japonaise et qui, ces personnages militaires, n'ont jamais rien dit. Ils ont préféré que 2000 à 3000 soldats américains meurent, que la moitié de leur flotte s'enfonce sous l'eau, bombardée par les Japonais, parce que les États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre. Le peuple était un peuple pacifique, il ne voulait pas entrer en guerre, mais il devait entrer en guerre. Alors, les présidents étaient suffisamment illuminés pour accepter qu'une grosse partie de leur flotte s'enfonce pour que le peuple se venge. Les États-Unis entrent en guerre et ont balayé l'Allemagne. Les Soviets prennent l'Afghanistan, prennent tout ce qu'ils veulent. Sachons que présentement, il se passe des choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et le bouleversement du verso peut être évité. Chez certaines personnes, de toute façon, on va y revenir à la deuxième partie. Il y a quelqu'un qui me disait que tu as une émission aussi de radio à faire. Est-ce que ça fait partie de toute l'installation, de toute cette structure-là? C'est-à-dire que, disons que j'ai une émission de radio à faire, enfin, pour... oui, je t'ai invité à différentes émissions de radio pour parler. On va parler surtout du projet OFSA, l'Organisation du Village Scientifique de l'Avenir. Donc, évidemment, ça regarde la société nouvelle, ça regarde l'homme nouveau. Ça regarde les mécanismes qui permettent l'évolution d'un homme, disons, conventionnel vers l'homme nouveau. Ça regarde les mécanismes de l'éducation, éducation d'adultes, éducation d'enfants. Donc, comme prochainement, je crois, c'est jeudi prochain, je vais être à CKVL de 11h à 2h du matin. Et puis, on va parler surtout du projet OFSA, oui. OK. C'est dans la lignée. Étant donné que quelque chose doit se faire, eh bien, moi, je reste assis chez moi, puis on me téléphone, puis on m'invite un peu partout. Des choses se font. Et voilà un an, ben, je téléphonais partout pour être invité, personne ne voulait de moi. Alors, toi, ça. Justement, dans ce que tu me dis là, on parle des gens qui se conscientisent, puis on remarque que bon, dans ce cheminement-là, il y a des gens qui sont amenés, comme tu viens de dire, à se débarrasser de leur collection qui tenait à cœur, de leur bibliothèque, etc. Bon, tout ça, c'est un aspect. Mais plus profondément, on peut dire que dans notre quotidien, à un moment donné, on peut-tu dire qu'on s'arrête à un moment donné, puis on regarde, on dit, bon, mais au début, c'est parce que, comme tu disais tantôt, il faut apprendre, il faut accepter de mourir, mais ça, au début, ça se fait. Je veux dire, à un moment donné, tu réalises que tu fais un geste qui est peut-être une action du verso, mais 9 du poisson. Puis à un moment donné, 3 du verso, puis il y a comme une progression qui se fait. Mais même si tu perds des choses au niveau matériel, pas que tu perds, mais que tu te débarrasses par choix, ou que tu te dédaches, à un moment donné, si tu n'as pas, comme tu disais tantôt, le savoir instantané, c'est parce que c'est encore plus difficile de se débarrasser des concepts que des choses matérielles. Faire attention dans le mot « débarrasser ». Ce qu'il faut faire en réalité, il faut remplacer. Ouais, pas trop de ménage, vite. C'est ça. Il faut remplacer, et ça c'est important, il faut remplacer dans tout. Cela veut dire que vous avez une tradition philosophique, une tradition religieuse, par exemple, une religion organisée qui ne vous plaît pas. Vous l'étudiez et vous vous rendez compte que présentement, ce n'est pas intelligent que cela se poursuive. Alors, on ne la détruit pas. On doit remplacer. Chaque fois que l'homme ôte quelque chose, il crée un trou, il crée un vide. Et l'homme doit mettre quelque chose là, sinon, karmiquement, il va y avoir un problème. Alors, lorsque nous détruisons toutes nos forêts, nous créons un vide. Et un jour, ce vide-là, on va le payer. Alors, il faut donc replanter. Il faut faire quelque chose. Et l'homme ne doit pas détruire une chose comme ça pour dire simplement que c'est du poisson. C'est typiquement du poisson de démolir des choses. Par contre, lorsque l'homme est intelligent, l'homme remplace des choses. Maintenant, il ne faut pas remplacer des choses par tradition, parce que c'est la même chose. On remplace quelque chose par un autre similaire. Remplacer un drapeau par un drapeau, c'est un drapeau. Alors, ce qu'il faut faire, il faut donc que l'homme remplace. Cela veut dire que lorsque l'homme a un système d'éducation qui ne va pas, l'homme ne le démolit pas. L'homme doit trouver une solution à ce système pour que ce système change lentement jusqu'à temps qu'il soit remplacé. Et de ce fait, on pourra dire il n'y a plus le vieux, il y a le neuf. Mais l'homme ne rentre pas à coups de hache dans le paquet pour tout démolir, pour instaurer du neuf. Il n'y a personne qui est capable de suivre. C'est ça qui est différent. C'est que l'intelligence permet l'hypocrisie. L'intelligence permet la diplomatie. L'intelligence permet l'écologie. Cela veut dire être capable de transformer quelque chose sans que l'adaptation ne soit nécessaire. Ça, c'est d'être écologiste. Et lorsque l'adaptation est nécessaire, c'est que tu n'as pas tenu compte des lois écologiques, de l'écologie psychologique, de l'écologie matérielle, de l'écologie de n'importe quoi. Tu n'as pas tenu compte de ces lois, donc tu obliges les êtres qui constituent l'écosystème que tu as transformé à s'adapter ou à mourir. Et ça ne doit pas se faire. C'est ce que l'homme du poisson veut faire. L'homme veut créer un apocalypse. L'homme risque de créer un apocalypse pour instaurer un nouveau système, un nouveau cadre d'évolution qui pourra permettre le neuf parce que le vieux sera détruit. Tu ne pourras pas commencer. Tant qu'à reconstruire, tu ne reconstruiras pas en vieux. Tu vas reconstruire en neuf. Parce que maintenant, l'homme a ce neuf instauré dans sa tête. Il connaît le neuf. Il refuse le neuf, il conserve le vieux, mais il connaît le neuf. Alors, si on démolit, l'homme va construire un neuf. Mais l'homme devra s'adapter. Cela va être pénible parce que cela n'est pas écologique. Une guerre nucléaire, c'est pas écologique. Et si c'est écologique, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura donc aucune nécessité réelle d'adaptation. Ou, on peut dire, l'adaptation va se faire en très peu de temps. Et plus le laps de temps nécessaire à l'adaptation est court, plus le système est écologique. Et plus le laps de temps nécessaire à l'adaptation est long, moins le système est écologique, ce qui fait que pendant l'adaptation, certains meurent et certains disparaissent. Donc, on doit bien faire attention à ne pas penser, par exemple, bon, chez moi, j'ai lit Louis XV. Alors, je le mets aux poubelles pour prendre un lit Betelgeuse 27. Bon, c'est un lit de l'avenir. L'idée n'est pas là. Mais l'idée est que dans notre tête, l'idée est que dans la matière aussi. Cela veut dire aussi que nous devons encourager nos inventeurs. Donc, ça paraît bien banal, mais on parle quelque chose de tel, d'extrêmement terre à terre. On invente quelque chose de neuf, on peut se faire avoir. Mais si personne n'ose jamais essayer la chose neuve, on connaîtra pas ses défauts, on pourra pas la perfectionner, et puis vu qu'elle se vend pas sur le marché, ben on va la mettre aux poubelles, puis on va continuer avec le vieux, ça se vend. Alors ça, c'est important. On doit travailler avec ce qui est neuf, avec les nouveaux créateurs, avec avec tout ce qui est neuf. Parce que sinon, on s'évertue à attendre que le vieux pourrisse, meure, disparaisse. Et là, ce n'est réellement pas écologique. On aura une phase d'adaptation écœurement longue, extrêmement difficile, très pénible, qui sera la terminaison de l'âge de fer de l'évolution expérientielle humaine. C'est-à-dire que ce sera l'apocalypse pendant l'apocalypse. Mais présentement, Daniel, individuellement, dans la phase de transition, il y a encore plus de gens qui refusent de mourir qu'il y en a qui acceptent de mourir. Donc, la diplomatie est absolument essentielle. Évidemment, parce qu'on ne doit pas obliger l'humanité à s'adapter à un nouveau système. On n'aura pas plus d'intelligence. Rentre dans une école, puis dis aux élèves qui, par exemple, sont dans des élèves qui souffrent, disons, de prédélinquance, et tu leur dis à partir d'aujourd'hui, c'est l'amour. Il n'y a pas de problème. Lui, il sent l'amour quand il tire des poids dans la face du professeur. Il va vivre l'amour. Un autre, il sent l'amour quand il joue d'écraser les papillons. Bon, ben, il va t'écraser ce qu'il y a de vivant. Puis si le professeur a un papillon comme cravate, ben, il va se faire draper lui avec. Alors, ce qui fait que on ne peut pas arriver à un moment donné, même si tu as une conscience intelligente d'un mécanisme, tu ne peux pas l'imposer à qui que ce soit. Parce que si c'est intelligent, cela doit être intelligemment vécu par les autres. Donc, tu n'arrives pas en disant « j'ai la science infuse, je suis premier ministre et je vais être le premier ministre, dictateur, roi, monarque au monde et je vais imposer l'intelligence collective. » Ce qui fait que j'interdis la drogue et je tue ceux qui vendent de la drogue, que j'interdis la cigarette dans la province de Québec, que j'interdis les émissions qui sont à caractère violent, que j'interdis... Mais il est mieux de s'ouvrir plusieurs maisons funéraires parce qu'effectivement, il y a un paquet qui vont se suicider. Parce qu'il y en a un paquet qui n'ont pas besoin. Alors, ce qui fait que lorsqu'il va avoir tout interdit ce qui est néfaste, ce qui apparemment est néfaste, ce qui scientifiquement est néfaste, mais ce qui ne l'est pas dans le cadre cosmique de l'évolution expérientielle de l'homme. Cosmiquement, les choses néfastes pour l'homme ne le sont pas. Parce que si cela arrive, c'est que cela a une raison d'être, permis par l'écosystème évolutif planétaire de l'homme. Donc, une chose apparaît parce que le cadre extérieur permet sa naissance. Et elle disparaît lorsque le cadre extérieur permet sa disparition. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de même, bing-bang, par un hasard, puis on ne comprend pas tout ce qui se passe. L'homme peut ne pas comprendre. Mais comme cosmiquement, il n'y a rien qui n'est permis. Il n'y a rien qui apparaît si ce n'est pas permis. Tout est... Puis quand on dit permis, c'est pas quelqu'un qui signe un papier autorisant la guerre mondiale. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'écologiquement, les conditions extérieures permettent à une maladie qui peut s'appeler la guerre ou l'amour de s'étendre sur la planète. Et lorsque les êtres, les arbres sont suffisamment puissants, ils luttent contre cette maladie-là. La maladie n'a pas l'autorisation, disons, d'apparaître. Elle ne peut pas apparaître. L'écosystème de la région est trop puissant. Alors, ce qui fait que le changement évolutif dans l'être humain, le changement de l'homme vers cette nouvelle conscience, doit se faire parce que l'homme comprend l'intelligence de l'amélioration. Regardons simplement notre système de travail. Alors, on se dit, si on a une société de consommation, on crée de l'emploi. Et c'est vrai. Mais l'homme qui consomme achète. Et lorsqu'on fait en série, ça coûte moins cher, donc on peut vendre de même prix, on fait plus d'argent, ou on vend moins cher, on en vend plus. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a quelque chose qui marche, alors on ne l'améliore pas. Ça marche. Alors, on vend, on fabrique, on grossit les industries, on engage du monde, on crée donc un roulement où l'employé reçoit de l'argent, peut sortir dehors et acheter le produit que l'usine fait. Donc, l'argent revient. C'est parfait. Et ça, c'est extrêmement intelligent, mais c'est totalement brillant. Mais le problème, c'est que l'homme répète, a des industries de répétition et non pas des industries d'amélioration. On en a certaines parce qu'on a des créateurs dans la société, on a des marginaux, on a des fous. Bon. Mais ce qui arrive, c'est que collectivement, on ne s'évertue pas à acheter un produit amélioré. On achète ce qui marche, ce que tu aimes, puis c'est parfait. Du moment que ça satisfait ton cadre psychologique, c'est merveilleux. Quand ça ne satisfait plus ton cadre psychologique, là, tu veux quelque chose d'autre. Pas par intelligence. Pas parce que tu conçois l'intelligence de l'amélioration. Parce que tu es écœuré. Et l'homme évolue parce qu'il est écœuré, il évolue pas parce qu'il voit l'intelligence de cette évolution. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'une autre compagnie offre le même produit. Et parce que l'homme s'écœure à un moment donné de ce qu'il a, il recherche du neuf, ça crée la compétition. Une charge, parce que la compétition, c'est le stimulateur cardiaque de notre économie. Mais encore une fois, les industries, nos savants, ne créent pas quelque chose de mieux parce que c'est intelligent d'avoir du mieux, mais parce que le monde est écœuré de l'ancien. Alors, on a toujours une société qui est forcée d'améliorer par le cadre, disons, collectif, évolutif à l'intérieur, mais qui ne comprend pas l'intelligence de l'amélioration. On ne fabrique pas une voiture supérieure parce que cela est intelligent. C'est parce que nos vieilles ne vendent plus, puis le voisin il vient de rajouter un démarreur de sa voiture, ce qui fait que je suis obligé d'en mettre un. Puis si je veux vendre plus la mienne, ben je mets des enjolivards, puis je mets ci, puis je mets ça, ben je m'arrange chaud pour que ça casse un peu, pour que ça... Bon. Puis à un moment donné, ben là, tu as un pays comme le Japon qui rentre avec des autos qui ne cassent pas. Ben là, les Américains sont obligés, les Canadiens avec, de dire, ben là, vous importez pas plus que tant d'autos parce que nous autres, on fait faillite. Mais ils se disent pas, on va améliorer. Non, ils mettent des contingences et ils vont en importer moins. Alors, ce qui fait qu'on a un gros tas de problèmes. Pourquoi que l'homme, nos sociétés, qui sont comme telles bien structurées pour que l'homme soit riche, que l'homme ait de l'argent puis que l'homme travaille, s'évertuent à créer de l'ancien et à attendre que l'ancien ne marche plus, qu'on perde du travail, qu'on slack du monde pour commencer à envisager de créer quelque chose de neuf qui va recommencer à pogner? Pourquoi? Parce que ça demande trop d'énergie, parce que l'industrie va se dire on va toujours être obligé d'être dans une course. Mais c'est pas une course, tu comprends l'intelligence de l'amélioration. T'as plus de compétition comme telle et tu as suffisamment d'emplois parce que tu n'as pas ces mises à pied. Évidemment, le problème est plus vaste que ça au niveau de l'industrie et de l'économie d'un pays. Mais c'est quand même ça, c'est qu'on a toujours une philosophie qui n'est pas axée sur l'amélioration. Autant pour l'homme que pour la matière. L'homme s'améliore parce qu'il souffre. L'homme s'améliore parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. L'homme s'améliore parce qu'il veut le voisin marcher sur l'eau. L'homme s'améliore parce qu'il est jaloux. L'homme s'améliore pour ces raisons-là. L'homme veut évoluer pour ces raisons-là. Parce que l'homme est curieux. Une chance qu'il est curieux. Il n'est pas assez intelligent pour chercher. Alors, s'il n'est pas curieux, ben, il resterait chez lui puis ça irait bien. L'homme est curieux puis l'homme veut rechercher la connaissance parce qu'il est curieux, pas parce qu'il conçoit l'intelligence de connaître, l'intelligence de savoir, l'intelligence de s'améliorer. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose, pas parce que ça va être plus beau. Tu parlais de premier ministre. Si on demande pourquoi penses-tu que Pierre-Elliott Trudeau est en Russie présentement? J'ai déjà dit à une conférence que ceux qui s'évertuent à penser à l'apocalypse de surveiller Pierre-Éliott Trudeau. Et là, il n'est pas en Union soviétique parce qu'il est allé vendre le Canada. Parce que lui s'occupe de la paix. Et lorsque toutes les nations vont s'asseoir à la même table pour parler de paix, faites vos bagages. La conséquentialité de ses actes à long terme est pour l'être du Verseau. Comment voir les conséquences à long terme lorsqu'on a la vue courte? C'est ça, qu'on est encore poisson, dans l'air du poisson. C'est impossible. C'est totalement impossible. Il faut absolument que la personne cesse de dire que je suis dans l'air du poisson. Et qu'elle commence à vouloir penser qu'elle est dans l'air du Verseau. Évidemment, la première fois, elle ne pourra pas voir immédiatement. C'est pas une question d'idéologie psychologique. Mais il faut que la personne cesse de tendre ses liens d'attachement vers le passé, vers l'air du poisson, vers cette conscience qui demande de l'information au lieu de la donner, l'information. Il faut que la personne commence à envisager l'avenir. Et pour envisager l'avenir d'une façon plutôt constructive, d'une façon plus facile, la personne doit évidemment briser, cesser d'avoir des liens avec la psychologie du passé. Je répète bien que l'expérience, elle a une utilité. Que l'éducation de ce que tous les autres ont fait dans nos écoles a une utilité. Mais on ne doit pas oublier que la personne qui s'instruit, elle est elle. Et c'est à partir du sommet de la vie des autres qu'elle devra construire la base de sa vie. Mais c'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne à l'homme de se servir du sommet des autres, de la science que les autres ont inventée, de ce que Galilée a dit, de ce que les philosophes ont dit, de ce que la médecine a découvert, pour donner une expérience de base à l'homme. Et on lui dit maintenant, ben, il fait plus rien. Là. Tu peux pas inventer, tu peux pas rien faire. C'est les autres qui font ça. Alors, professeur machin chouette qui vit dans tel observatoire, lui peut se permettre le privilège de découvrir une planète, de penser la découvrir, de calculer la probabilité qu'elle existerait et de faire une conférence de presse, le journaliste vient. Mais toi, t'es chez vous, tu vois une nouvelle planète, tu as une nouvelle conscience, tu vois un problème dans la société. Voyons donc, quel diplôme que t'as? Parce qu'une personne qui n'a pas suffisamment de connaissances des autres collectifs ne peut pas avoir l'autorité pour parler. Alors donc, cette accréditation collective, tu dois l'avoir parce que sinon, tu ne pèses pas. Prends Albert Einstein, il a été mis dehors de l'école parce qu'il était trop talent, premièrement, et deuxièmement, parce qu'il était complètement stupide, il ne comprenait rien. Le professeur, elle se passait par un paquet d'affaires pour expliquer quelque chose, tu lui partais à rire, puis il y avait la réponse avant. Bon, alors là, évidemment, c'était complètement stupide, ça ne se faisait pas, le hasard, c'était bien beau, les trucs, c'était parfait, mais si quelqu'un avait un truc, il ne comprenait pas les mécanismes de la physique, alors ce qui fait qu'on l'éclairait. Et n'empêche qu'Albert Einstein, une fois que ses éclaireurs ont été sont morts, est devenu le summum à l'échelle planétaire de la science physique et de l'astrophysique. Et c'est un être qui ne valait rien pour la société parce qu'il ne suivait pas les coordonnées conventionnelles de l'éducation collective. Et ça, c'est le problème de l'homme, du poisson, qui se demande « Oh, mais comment je peux penser à l'avenir, étant donné que moi, je suis un petit minable du poisson? » Mais c'est ça qui est le problème. C'est qu'il n'y a personne ici qui est minable. Il n'y a personne sur la planète Terre qui l'est. Mais il n'y a personne qui le sait qui ne l'est pas. Ce qui fait que la personne, s'instruisant elle-même de sa petitesse et étant instruite par les autres qui s'instruisent elles-mêmes, ne veut pas. Et ça, c'est un problème qui étouffe l'évolution individuelle de l'être collectif, ce qui fait que l'être collectif n'évolue qu'en collectivité. Il se sent puissant quand il est en gang, il se sent intelligent quand il est parrainé par une université, par une gang, il se sent quelque chose lorsque les autres l'accréditent. Parce que l'homme, présentement, l'homme du poisson, ne peut pas être quelque chose si les autres ne le savent pas. Parce que lui ne le sait pas. Alors lui va savoir qu'il est quelque chose si les autres le disent qu'il est quelque chose. Moi, présentement, je dis quelque chose. Et si tout le monde me dirait « Ah, mais c'est absolument véridique, c'est la vérité pure », c'est pas ça qui va me faire dire « Ah, tiens, ben ça doit être la vérité, tout le monde dit que c'est la vérité, je pense pas ça pantoute ». On ne peut pas s'imaginer des choses comme ça, on ne peut pas truster personne, il faut qu'on sache par nous-mêmes. Et si on dit des choses qui, demain matin, ne sont plus vraies, eh bien, on dit d'autres choses. Hein? On n'est pas là pour dire des vérités qui vont être vraies ad vitam aeternam, c'est complètement faux, ça se peut pas. L'homme va changer, il y a des choses qui sont vraies présentement, parce que l'homme est présentement dans un état d'évolution particulier. Alors l'homme, donc, qui s'évertue à rester pisséen, c'est son choix. Et l'homme qui décide, d'un moment donné, de se grouiller le derrière, de vouloir commencer à penser d'une façon constructive, d'une façon nouvelle, va évidemment bien voir que présentement, il ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il y a une intelligence de vivre en société. C'est pour ça que l'homme qui commence à grouiller doit se réunir. Il doit garder une conscience individuelle. C'est pas parce qu'il se réunit qu'il doit perdre sa conscience individuelle pour se embarquer dans un mouvement. Le mouvement de la conscience individuelle, c'est une gang qui pousse ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est une collectivité qui pousse l'individualité, ça se fait pas. Il faut que la personne, elle pense, elle envisage l'avenir, la construction, l'intelligence dans l'avenir, la mentalisation de sa vie. Elle aura de l'émotion quand même, et l'émotion ne la perturbera jamais. Et elle doit, par après, voir l'intelligence du regroupement. L'homme n'a pas fait des sociétés parce que les animaux l'ont poussé à se grouper et l'ont mis dans un nid. L'homme s'est groupé en société parce qu'il a vu qu'il divisait le travail pour augmenter le résultat. L'homme s'est mis en société parce que cela libérait ses contraintes psychologiques. L'homme s'est groupé parce qu'il ne le savait pas, mais parce que c'est intelligent. Mais l'homme du Verseau, l'homme qui a certaines formes de conscience, bien, il doit se grouper lui aussi. Non pas pour militer, mais simplement pour pouvoir au moins échanger et créer le début d'un petit cadre d'évolution d'être nouveau. Il le plaît un peu partout, mais ça n'a aucune importance. Et lentement, cela va grossir jusqu'à temps qu'on ait une puissance suffisante pour que l'ère du Verseau puisse commencer à être exprimée. Et quand je parle de puissance suffisante, il faut faire attention avec les mots. Ça veut dire ce que je veux dire, mais ça ne veut sans doute pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. La puissance, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la majorité silencieuse est conscientisée. Ben, le gouvernement n'a pas le choix d'être intelligent, ce qui se met en place. Simplement que, et ça ne prend pas énormément de temps, ça se fait rapidement. Ce soir, disons qu'on n'est pas beaucoup, beaucoup de personnes dans la salle, mais sachons bien que, évidemment, il y a des conditions climatologiques. Hein? L'été, on l'attend depuis 3 mois. Alors, ce qui fait que là, maintenant, c'est dingue de se présenter à la face, alors on se garoche. Et c'est normal. Mais, de temps en temps, on a des salles combles, et à partir de cet automne, faites-moi confiance, il n'y aura plus de place. Alors donc, et ça va s'étendre, parce qu'il y a les ondes de la radio, les ondes de la télévision, et je ne serai pas le seul à le faire, parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire, et c'est normal. Et si personne, si tout le monde attend que d'autres le fassent, bien évidemment, c'est long. Et moi, mon travail, ce n'est pas d'attendre, c'est de le faire. Et il y en a d'autres que leur travail va être de le faire. Et ce n'est pas du militantisme, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas rien. C'est simplement quelque chose qui doit être amené. Et je suis, moi, un être du Verseau. Je suis dans une conscience du Verseau. Et je ne peux pas vivre dans un monde pisséen. Je ne détruirai pas ce monde parce que, de toute façon, ce monde va s'auto-détruire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a d'autres personnes dans cette conscience aquarienne qui vont survivre à la destruction pycéenne. Et il y a évidemment des êtres du poisson qui vont survivre, évidemment. Les élus chiffrés, là, ça, c'est une farce, encore une fois. Mais par contre, ceux-là du poisson vivront un bouleversement qui sera une deuxième apocalypse. La personne qui s'évertue à ne pas vouloir être du Verseau parce qu'elle est du poisson, parce qu'elle a 59 ans et qu'elle se dit que, franchement, l'avenir, c'est pour les jeunes. Non, justement pas. Parce que les personnes qui vivent présentement, croyances ou pas, lorsqu'elles vont revenir sur le plan planétaire, c'est dans un monde qu'elles l'auront créé. Et ce monde aura été créé par le monde qu'ils auront laissé. Et la vie ne s'arrête pas à 59 ans, elle ne s'arrête pas à 75 ans, parce qu'imaginez-vous que si notre science aurait trouvé une raison intelligente d'amener l'homme à vivre 150 ans, cela se serait fait. Mais l'homme souffre, l'homme s'ennuie le soir chez lui, puis il brûle parce qu'il veut être immortel. Alors évidemment, l'homme qui n'est pas capable d'assumer sa solitude ne pourra pas être immortel, et l'homme s'évertue à s'auto-créer des maladies qui vont l'amener à la tombe. Et c'est normal. Et l'homme va revenir en temps et lieu, mais il va revenir dans un cadre d'évolution qui aura été laissé par les enfants et par les possibilités qu'il aura laissées. Il n'est pas question d'âge pour être un enfant du Verseau, pour être un nouveau-né du Verseau, c'est pas une naissance matérielle. Vous ne rentrez pas dans l'enceinte de votre mère pour renaître. Peut-être possiblement, à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez vous réincarner. Mais ce n'est pas un mécanisme matériel, être dans l'ère du Verseau. Tout le monde est présentement dans l'ère du Verseau d'une façon matérielle. Psychologiquement, tout le monde s'y refuse. Mentalement, tout le monde s'y refuse. Alors donc, on ne doit pas être, par exemple, lorsqu'on a la vue courte. C'est évident que, comme j'expliquais la semaine dernière, l'énergie... comme la lumière ne peut pas ouvrir vos yeux. Vous devez ouvrir les yeux et vous allez voir, elle est là, cette énergie-là, puis elle va vous donner la connaissance. Mais elle ne peut pas ouvrir. L'homme ne peut pas prier, l'homme ne peut pas espérer, l'homme ne peut pas supplier, l'homme ne peut pas rien faire d'autre que d'ouvrir les yeux lui-même. L'énergie, elle est là. Elle a une puissance de savoir instantané, mais elle n'a pas la puissance sur la matière. C'est l'homme qui a la puissance sur la matière. Il n'y a que l'homme qui a cette puissance sur la matière. Les autres énergies vont prendre l'homme pour manipuler la matière. Que ce soit des énergies sataniques, que ce soit des énergies divines, astrales, que ce soit des énergies supramentales, elles ont besoin de l'homme pour pouvoir prendre la matière. On ne verra jamais un arbre possédé. On va voir un homme possédé. On va voir une mémoire humaine possédée. Et on a besoin pour posséder, pour faire part d'êtres humains peureux. On a besoin de l'homme. Et l'énergie, c'est pas mental, l'énergie évolutive. Elle a besoin de l'homme pour pouvoir évoluer. Et de ce fait, l'homme l'a fait évoluer et l'homme évolue. Alors donc, on ne peut pas dire, j'ai la vue courte, j'ai plein de problèmes, ça marche jamais, ça fait 20 fois que je patauge dans les mêmes maudits problèmes. Chaque fois que je crois m'en être sorti, je retombe dedans. C'est pas une raison. Lorsque l'homme est sûr d'être sûr, c'est là que l'homme il se fait avoir. L'homme doit être sûr de bien douter. L'homme ne doit pas avoir peur. L'homme doit envisager la possibilité qui est réelle qu'il peut régler tous les problèmes. À la condition que lorsque l'homme regarde son grille-pain qui ne marche pas, que l'homme ne s'écrase pas en avant, en sacrant après la garantie qu'il n'y a pas mal. L'homme peut faire quelque chose, mais l'homme doit commencer à le faire. L'homme doit apprendre qu'il peut apprendre. C'est l'apanage de l'homme du Verseau de savoir qu'il peut apprendre. Mais l'homme doit donc démolir à regarder tout ça. Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Qu'il le mette aux poubelles, qu'il en achète un autre. Mais là, ça vaut de l'argent, ce qu'il fait. C'est pas grave, s'il paye pour, il est en train de s'instruire. Il est en train de s'instruire à tout savoir. Il est en train de se donner la capacité d'apprendre. Et ça, c'est l'homme du Verseau. L'homme du Verseau qui peut apprendre, qui sait qu'il peut apprendre, ne se dit pas, mais j'ai la vue trop courte, je ne vois pas assez loin, je suis du poisson, je pense au passé. C'est sûr que l'homme est attaché, c'est sûr que vous êtes encore attaché. La grande majorité d'entre vous. Mais ce n'est pas une raison. C'est une excuse. Mais ce n'est pas une raison. De dire que l'homme est humain, c'est une excuse. Ce n'est pas une raison. Même si l'homme a de la difficulté, même si l'homme est attaché, sachez que vous avez de la difficulté parce que la collectivité n'est pas assez évoluée. Si tout le monde serait libéré, vous seriez libéré. Et comme tout le monde est pogné, tout le monde est pogné. Mais ça, ce n'est pas une excuse. C'est un mécanisme authentique qui est réel, c'est évident. Mais l'homme peut s'en sortir. Et l'homme peut s'en sortir pas en croyant, mais en comprenant les mécanismes qui l'assujettissent, qui le rendent esclave. C'est en comprenant pourquoi l'homme souffre que l'homme se libère de la souffrance. L'homme peut attendre que la souffrance brûle tout ce qui le fait souffrir. C'est souffrant, maudit, puis c'est long. Alors, l'homme, c'est normal que l'homme souffre, c'est sûr que l'homme a des difficultés, mais c'est une excuse, ce n'est pas une raison. Plus cela va au Québec, plus l'homme se conscientise, plus l'homme se réunit dans des salles, plus l'homme parle, plus l'homme veut, et l'homme ne doit plus se cacher. L'homme ne doit pas monter sur le toit pour crier, mais l'homme ne doit plus se cacher, et l'homme ne doit plus s'évertuer à s'imaginer qu'il est un être médiocre. L'homme n'est pas médiocre, l'homme est un être qui se croit médiocre parce qu'il a été instruit par les énergies astrales collectives qu'il était médiocre. Parce qu'il a été instruit par les religions, comme quoi il était médiocre. Parce qu'il a été instruit par la politique, comme quoi il était médiocre. Parce qu'il a été instruit par les forces militaires, comme quoi il était médiocre. Parce que l'homme a toujours été instruit comme étant un être médiocre. Et sachons bien que l'immense société qui instruit, elle a été bâtie par l'homme. Que l'homme va sur la lune et c'est l'homme médiocre qui va là. Que l'homme est capable de faire des choses extraordinaires, mais c'est l'homme médiocre. Tout ce qui présentement paraît supérieur à l'homme, c'est l'homme qui l'a créé. Mais l'homme s'évertue à s'auto-instruire qu'il est médiocre. Et c'est sûr que l'homme, si l'homme se sent orgueilleux et dit « moi, j'ai la puissance » et tout, etc., ça marche pas. Parce que l'homme n'a pas l'intelligence de cette puissance, donc l'homme ne peut pas comprendre cette puissance. L'homme, il est puissant. Et l'homme ne doit pas se croire puissant. L'homme doit être puissant. Mais l'homme, il l'est. Sauf que l'homme doit comprendre les mécanismes. La médecine, elle a une certaine puissance. Disons qu'elle est controversée. Parlons de médecine d'urgence. Elle n'est pas controversée. Ce n'est pas un acupuncteur qui va vous réanimer si vous êtes en arrêt cardiaque. Hein? Ce n'est pas un physiothérapeute qui va vous rabouter les bras lors d'un accident de train. La médecine d'urgence, elle est parfaite. Mais cette médecine d'urgence, elle a été développée par des hommes qui ont cherché, par Pasteur, par Schweitzer, par un paquet d'autres, qui se foutaient de la médiocrité humaine, mais qui se rendaient bien compte que l'homme était médiocre. Et que l'homme, dans sa médiocrité, souffrait. Et eux autres se sont dit, nous devons augmenter le niveau social de l'homme, aider l'homme, guérir l'homme de ses maladies, de sa contrainte matérielle et tout ça. Parce que l'homme se croit médiocre et l'homme accepte extrêmement facilement tout maudit enseignement qui vient des plans de l'astral, les plans qu'il manipule. Et l'homme accepte ses enseignements inconditionnellement parce que l'homme ne voit pas d'où ça vient. Et parce que l'homme ne voit pas d'où ça vient, ben ça vient de Dieu. L'homme n'est pas médiocre, mais l'homme s'instruit et a été continuellement instruit qu'il était médiocre. Le gourou enseigne à ses disciples qu'ils sont des caves et qu'ils ont besoin du gourou. Et tout cela sont des mécanismes d'assujettissement collectif, d'éducation collective qui tentent à garder l'homme bas. Et l'homme doit connaître, l'homme doit savoir, l'homme doit comprendre. Et lorsque l'homme va comprendre la puissance qu'il a en lui, autre individu soit mental, si c'est l'intelligence qui fait la différence, est-ce une intelligence réelle ou une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle pourrait être une intelligence qui est tributaire des mémoires expérientielles de l'astral. C'est-à-dire que l'intellect est capable de jauger des choses qu'il a appris, donc qu'il a en mémoire. L'intelligence artificielle. C'est-à-dire intelligence passive, qui est assujettie, qui est l'esclave, qui est reliée, dépendante du contexte mémoriel, donc éducatif, de l'homme. L'intelligence réelle pourrait être cette intelligence instantanée, ce savoir instantané, cette intelligence active, cette conscience supramentale, conscience de l'homme nouveau. Lorsque deux personnes font la même chose, qu'est-ce qui différencie l'être assujetti à la mémoire de l'astral à l'être dans son énergie intelligente, dans sa conscience? c'est effectivement l'intelligence. Et que cette intelligence soit une intelligence, disons, passive, une intelligence artificielle ou non, cela n'a pas d'importance parce que le mental de l'homme, lorsqu'il est capable de se désassujettir de la coloration de l'émotion, donc de l'astral, est capable d'être conséquentiel parce que c'est un ordinateur qui est suffisamment bien programmé et surtout bien programmable pour devenir efficace. Alors que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit de l'intelligence réelle, donc une conscience intellectuante, d'une conscience supramentale, une conscience intelligente, cela n'a pas d'importance. Il n'y a pas de grosse différence, sauf que dans un des deux cas, c'est-à-dire que celui qui a une conscience réelle est instantanément efficace. Celui qui a une conscience intellectuelle, mentale, est presque instantanément efficace. Et celui qui est assujetti à l'astral, de temps en temps, est efficace parce que l'astral se complaît de donner à l'homme de temps en temps des bons outils pour le lui retirer deux secondes après. Donc, qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre? Ça n'a aucune importance. Entre celui qui agit sans savoir et celui qui agit en sachant ce qu'il fait, ah là, il y a une maudite différence dans la conscience de ces deux êtres. L'action n'a pas d'importance, c'est pour ça qu'on ne doit pas juger quelqu'un à ses actions, malgré qu'on ne peut pas le juger sans ses actions. Celui qui ne fait pas, parler c'est faire, mais celui qui ne fait pas, complètement, celui qui n'est pas efficace dans l'action, pas celui qui n'accomplit pas ses promesses. Ça, les promesses, c'est plaisant. C'est de la politique, c'est bon, même si on ne les fait pas. Ça permet bien les choses. Mais celui qui n'est pas efficace dans sa vie, lui, ne fait pas. Alors, si on regarde quelqu'un qui est 100% efficace, il a un corps mental suffisamment puissant. Mais est-ce qu'il est relié à l'énergie supramentale, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est plus le rejeton de l'astral psychologique? Ça, on ne peut pas le savoir par ses actions. On peut le savoir par la parole, par exemple, si on parle avec. Mais la personne qui a accompli quelque chose qui est relié à l'astral, elle peut le faire aussi bien qu'une personne qui a accompli quelque chose relié à l'énergie supramentale. La différence, c'est qu'il y en a un qui sait ce qu'il fait, l'autre ne le sait pas. Et l'énergie de l'intellect, l'énergie donc du mental, permet à l'homme de savoir aussi ce qu'il sait. Et ça, c'est le premier germe de cette énergie nouvelle chez l'homme, la poussée de son énergie mentale, c'est-à-dire le désassujettissement de l'énergie intellectuelle à la psychologie émotive. Et par après, lorsqu'il y aura un contact avec l'énergie du plan supramental et par l'intermédiaire d'un mécanisme que nous appelons l'ajusteur de pensée, l'homme aura une pensée juste, c'est-à-dire que l'homme aura une pensée conséquentielle, l'homme saura ce qui doit être fait et l'homme comprendra pourquoi les autres choses sont faites. Donc, l'homme aura une vue plus planétaire qu'une vue individuelle, collective. L'homme ne dira pas telle chose est mauvaise parce que cela fait souffrir un tel. L'homme verra planétairement que cette chose est bonne. Et lorsque l'homme rentre dans son énergie supramentale, lorsque l'homme devient un ajusteur de pensée, lorsque l'homme n'est plus en contact, l'homme est cette chose, l'homme a une conscience cosmique. Et du plan cosmique, tout s'explique très facilement. Du plan planétaire, ça s'explique. Et du plan psychologique, ça ne s'explique à peu près jamais. Donc, on a un monde duel qui donne une explication entre des choses polarisées. Bien, mal, le bon, le laid, etc. Alors, ce qui fait donc que la différence entre ces deux intelligences, l'intellectuance, l'intellect mental et l'intelligence supramentale, ce n'est pas important que l'homme puisse voir la différence. Par contre, il y a une différence évidente entre deux personnes qui accomplissent la même action. Si un sait, l'autre ne sait pas pourquoi elle le fait. Et habituellement, celui qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est la majorité de la planète Terre, une fois sur quelques dizaines de milliers d'actes, cela va être réellement efficace. Parfait. Cela veut dire que vous sortez de chez vous, la porte s'ouvre, il arrête de pleuvoir, vous rentrez dans votre auto, il se met à pleuvoir, vous partez votre automobile et vous partez, il n'y a pas de trafic, tout va bien. Vous stationnez près du métro, vous sortez, il pleut plus, vous rentrez dans le métro, il se met à pleuvoir, vous arrivez en bas, la rame, elle est là, les portes sont là, vous rentrez dedans, ça se ferme, il y a un siège de libre, vous asseyez dessus, vous partez. Parfait. Une fois de temps en temps, l'homme peut vivre ce genre d'expérience. Parce que l'astral permet à l'homme d'être tout à fait en harmonie avec les événements collectifs qui vont se passer. Ça passe comme un couteau dans le beurre. Et l'énergie supramentale, l'énergie de la conscience supramentale permet exactement la même chose parce que l'homme a une conscience cosmique, une conscience minimum planétaire, ce qui fait que l'homme a une facilité. Et lorsque nous disons que l'évolution se doit d'être facile, ben c'est vrai. L'évolution est difficile parce que l'homme ne veut pas évoluer. L'homme recherche l'évolution sans vouloir changer. L'homme veut savoir qu'il reste bien ce qu'il est dans sa médiocrité et il recherche à être meilleur. Mais lorsque l'homme est meilleur, il n'est plus médiocre, donc l'homme n'est plus lui. L'homme, il est mort. J'ai déjà dit que tous ceux qui étaient dans la salle ici ont déjà été des enfants. Et ces enfants, ils sont où? Ben, vous les avez tous tués. Et c'est normal, tout à fait normal. Mais ces enfants ne voulaient pas mourir. Et présentement, avant d'entrer ici, vous ne vouliez pas mourir. Et chaque jour, vous apprenez de nouvelles choses et vous changez vos points de vue. C'est-à-dire que votre énergie change. Et l'énergie d'hier n'y est plus. L'être qui était dans votre corps hier est mort, disparu, désintégré, il n'existe plus. Et il y a vous. Et parce que vous vous rappelez d'avoir été, vous vous imaginez que tout votre passé, c'est vous. Et vous pouvez donc vous permettre le luxe de vous sentir coupable d'avoir accompli un acte hier ou le 5 minutes, que ce n'est pas vous qui avez accompli, parce que maintenant vous êtes différent. Et là, il y a le karma relatif qui vient s'implanter, le karma que vous vous créez vous-même et que vous allez supporter le restant de votre vie. L'homme qui atteint ce niveau de conscience supramentale ne peut pas souffrir le bouleversement du verso. Il passe facilement parce que l'homme est capable d'entrevoir des futurs possibles, choses sur lesquelles on va revenir à un moment donné, mais plus tard, de ce que c'est la prescience, de ce que c'est la conséquentialité réelle de l'intelligence humaine. Et l'homme sera capable de se faufiler dedans ce qui va se passer. Et ce n'est pas de la prévoyance, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas des prophéties, c'est une prescience. Et on reviendra sur ces choses à un moment donné. On demande ici si la science et la religion peuvent coexister dans l'ère du Verseau. Bon. La science tend à développer le mental de l'homme et elle tend à permettre à ce mental de devenir cartésien, de devenir logique et d'essayer de ne comprendre, de ne percevoir, disons, comme contexte ou comme concept réel, que ce que ses instruments ou que ce que sa logique cartésienne peut englober. Le reste, elle ne dit pas non, mais elle ne s'y attaque pas nécessairement. La religion, elle tend, elle, à inverser les choses, c'est-à-dire qu'elle tend à donner à l'homme l'idée qu'il n'a pas besoin de connaître, qu'il n'a pas besoin de savoir, qu'il n'a besoin que de croire. C'est-à-dire que la religion est quand même l'antipode de la science. C'est d'ailleurs pourquoi souvent on dit que ces deux pôles ne pourront pas se rejoindre. Mais on a des personnes qui sont extrêmement religieuses, qui croient en une forme d'énergie supérieure et qui sont des astrophysiciens. Et ils peuvent se relier plus facilement à l'énergie divine parce qu'ils comprennent les mécanismes du cosmos. Dans l'ère du Verseau, et ça c'est un des gros bouleversements, lorsque je disais la semaine dernière que l'on disait que l'Antéchrist viendrait de l'Union soviétique, c'est-à-dire que la bête viendrait de l'Union soviétique, et le Christ aussi, Maitreya et tout ce que vous verrez viendrait de l'Union soviétique, en ce sens, ce qui va purifier le monde va venir de l'Union soviétique, parce que les religions, ce contexte de croyance va mourir dans l'ère du Verseau. Il n'y aura plus cette science que nous connaissons, qui s'évertue à travailler non pas pour servir l'homme, mais pour servir la frénésie d'expression créatrice de l'astral des savants. Alors, on fait des clones, on fait des bombes, on fait des choses parce qu'on veut connaître, on veut pousser, on veut aller loin, mais les conséquences et tout ça, c'est pas important. Lorsqu'on aura tout compris, on brûlera les papiers, puis personne ne saura. C'est jamais vrai. La frénésie, donc, présentement, notre science, elle est surtout assujettie à satisfaire les besoins de l'ego, les besoins de la psychologie. Si l'homme a peur, on crée des armes. Si l'homme veut jouir, on crée des matériels pour jouir. Si l'homme s'ennuie, on crée des divertissements. Cela est assujetti à l'homme, à sa psychologie égoïque. Et la religion, elle a la même fonction, tend à alléger, à permettre à l'homme de vivre de la naissance à la mort d'une façon plus facile. en lui disant que présentement, tu comprends pas, mais quand tu vas être mort, si tu agis bien, alors là, donc, on a la forme manipulatrice, comme la science manipule l'homme avec ses découvertes scientifiques, c'est la cigarette qui est poison, puis si, puis c'est ça, comme la religion le fait aussi, avec le péché, le bien et le mal, et on essaie de faire en sorte que l'homme croit. Croire, cela veut dire ne pas savoir. Donc, en partant, ça va à l'encontre de la science. Mais quelqu'un qui croit et qui ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il croit, il est convaincu, s'il a tort, il ne le saura jamais. Celui qui est scientifique et qui essaie d'y aller cartésien, d'une façon cartésienne, qui ne peut pas envisager quelque chose, qui ne peut pas toucher et connaître réellement par ses outils, ces deux personnages sont dans un monde tout à fait pycéen, c'est-à-dire dans un monde qui refuse la connaissance réelle. Le savant doit disséquer, il doit démolir, il doit tuer pour pouvoir dire « cela a été bon. ». La religion fait dire « ne cherche pas, les voies de Dieu sont impénétrables, crois, espère ». Et cela aussi tend à assujettir l'homme à rester médiocre. La science, elle a une supériorité présentement sur la religion, en ce sens qu'elle développe le mental de l'homme. La religion a eu une supériorité sur la science et la religion collective, la religion organisée, a été extrêmement bénéfique pour l'homme. Elle a permis à l'humanité d'arrêter de s'entretuer et elle a permis à l'humanité de développer une forme psychologique astrale, planétaire, une âme planétaire, collective, qui, sur laquelle est venu s'asseoir le degré d'énergie mentale qui permet à la science de pouvoir augmenter. Maintenant, l'énergie mentale scientifique a toujours lutté contre l'énergie religieuse pour la simple raison que la science, elle est développée par la conscience intellectuelle de l'homme, qui est surtout régie par l'un de ses deux hémisphères cérébrales, et la religion, elle est surtout développée par la conscience intuitive de l'homme, qui est régie par l'autre hémisphère. Et au centre de ça, il y a l'ego qui essaie de manipuler les deux et qui est surtout manipulé par les deux. Et dans l'ère du Verseau, il y aura toujours cette conscience intuitive, mais elle ne sera pas créatrice de religion, c'est-à-dire de croyance. Elle permettra à l'homme d'entrer en contact avec d'autres plans, que l'homme appelle présentement, disons, des plans divins, des plans astraux, des plans sataniques, des plans parallèles, etc. Et il y aura toujours cette conscience intellectuelle qui permettra à l'homme d'ajuster son expérience avec l'énergie supramentale du savoir instantané et avec l'événement dans lequel il passe. Et il y aura cette nouvelle conscience qui ne sera plus une conscience égoïque, une conscience supramentale supérieure à ces deux consciences, mais ces trois consciences travailleront toujours ensemble, jamais elles ne se détruiront. Comme présentement l'ego, la science, donc l'intellect, et l'intuition, la religion, tendent continuellement à se massacrer. Cela n'arrivera plus dans l'ère du Verseau, mais les religions disparaîtront complètement parce que l'homme ne pourra plus dire « je crois en Dieu ». Ou l'homme dira « je sais que Dieu n'existe pas ». Ou l'homme dira « je sais que Dieu existe ». Mais l'homme le saura réellement. L'homme ne dira pas « je crois savoir ». L'homme le saura. De ce fait, la religion n'a plus d'importance. Et lorsque nous disons que religion veut dire relier par le terme religares, cela veut dire que l'homme tend à se relier. Mais lorsque l'homme devient ce avec quoi il veut se relier, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de choses à relier. Parce que vouloir se relier, c'est un jeu de mots, mais c'est vouloir renier. Cela veut dire, je veux me relier à Dieu, donc je refuse d'être Dieu. Parce que si je suis Dieu, je ne peux plus me relier à Dieu. Alors donc, ces religions vont disparaître, il n'y aura plus aucune forme de croyance dans l'ère du Verseau, évidemment, ce ne sera pas dans 100 ans, ce sera dans quelques milliers d'années, pour l'échelle de la planète Terre, évidemment. Mais ça, c'est ce qui va être attaqué, agressé, le plus radicalement après la matière, lorsque l'homme devra abandonner son passé pour renaître dans l'ère du Verseau. Si la race Atlante aurait continuellement voulu, elle a essayé un bout de temps, mais elle en est morte, si elle aurait continuellement voulu imposer sa tradition, sa science, qui était adaptée à une atmosphère très vaporeuse, si elle aurait voulu adapter cela inconditionnellement à la race indo-européenne, la race aryenne, conduite par Rama, et cela aurait fait un fiasco, mais désastreux total. Ils ont essayé et ils ont été écrabouillés, détruits par les inconditionnels de la race aryenne qui refusaient l'ancien et qui voulaient le neuf. Et toutes nos races ont vécu les mêmes choses et présentement, on est à l'ère d'une sixième race mère, d'une sixième race racine, la race bleue, la race du Verseau. Évidemment, on s'en fout des couleurs et tout ça. Mais n'empêche que l'homme nouveau est en train de naître et que l'homme, la race blanche, non pas cutanée, mais une race neurologique blanche, la cinquième race racine, est en train de mourir. Et avec elle va mourir tout ce qu'il a sous-tendu, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a soutenu, tout ce qu'il a géré. Notre conscience intuitive va rester, notre conscience intellectuelle va rester, mais les religions et la science que nous avons présentement, une science très assujettie, va disparaître. Pour être remplacée par quelque chose de mieux. L'homme a peur souvent de perdre la religion. Mais qu'est-ce que c'est la religion? Pourquoi l'homme a-t-il peur de perdre sa religion? Parce que l'homme refuse de savoir. L'homme ne préférerait-il pas savoir que les anges existent ou qu'ils n'existent pas? Non. L'homme préfère croire que ça existe ou croire que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme a peur de se tromper. Et devoir assumer l'erreur. C'est terrible pour la psychologie de l'homme. L'homme ne veut pas assumer l'erreur. Je ne veux pas savoir parce que tout d'un coup que je fais 50 ans que je me trompe. C'est trop dur. Beaucoup trop dur. Alors l'homme, donc, refuse de savoir. Et c'est le problème. L'homme ne veut pas avoir ce savoir instantané qui est facile. L'homme veut avoir la connaissance longue, harassante, pour avoir la possibilité de s'adapter lentement à une nouvelle conscience, à un nouveau point de vue, parce que l'homme ne veut pas perdre son sac à dos trop vite. Mais ça, c'est pas ce qui va se passer, parce que l'homme, présentement, est en train, lui-même, d'embarquer dans l'ère du Verseau. Il y a des énergies nouvelles qui viennent chez l'homme. Elles viennent chez l'homme parce que l'homme est présentement apte à les recevoir. L'homme a un corps physique apte à les recevoir. L'homme a un corps psychologique, un corps mental. L'homme a tout ce qu'il faut. L'homme québécois surtout, l'homme américain ensuite, et à peu près rien d'autre sur la planète. Et ce n'est pas du racisme, c'est une constatation évidente. De toute façon, vous avez juste à étudier un peu la sociologie planétaire ou nationale des nations, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les nations sont en train de mourir lentement, une après l'autre. Sauf les nouvelles terres, comme l'Amérique et comme le Québec. Ce qui arrive, c'est que la science et la religion, elles ont servi l'homme, mais elles l'ont servi dans une conscience collective, et ce n'était pas possible que l'homme ait une conscience individuelle. De ce fait, elles ont servi l'homme en asservissant l'homme. Et lorsque l'homme est présentement rendu à un moment énergétique où il peut avoir une conscience individuelle, il doit se libérer de ce qui l'assujettit, de ce qui le manipule. L'homme doit penser de par lui-même, l'homme doit être son seul maître, et ce n'est plus un maître collectif, ce n'est plus un maître religieux. L'homme va savoir un jour si ce qu'il appelle Dieu est ce qu'il croit, si ce n'est pas une création de lui-même, si c'est quelque chose de réel. L'homme va savoir enfin s'il est un créateur ou une créature. L'homme va savoir, et c'est extrêmement épeurant pour l'homme du poisson de savoir, parce que dans l'ère du poisson, il n'y a pas de savoir. Tu apprends à l'école, tu apprends ce que les autres disent, tu apprends des choses, et ça doit aller avec tout le monde. Mais dans l'ère du poisson, c'est normal. Dans l'ère du Verseau, cela va être différent. Tu vas apprendre toi-même et tu vas savoir toi-même. Il n'y aura pas de guerre d'ego, parce que je me fous que tu ne saches pas ce que je sais. Ça n'aura pas d'importance. Et un jour, on va savoir la même chose. Et pas parce qu'on va l'avoir éduqué, parce que c'est normal. Présentement, l'homme se refuse, donc dans l'ère du Verseau, la religion et la science vont être complètement transformées, la religion va complètement disparaître, parce que l'homme ne sera plus dans un contexte d'ignorance où, pour combler ce déficit, il doit croire. L'homme va savoir. Et je ne parle pas contre la religion, c'est-à-dire je ne parle pas contre ce qui est enseigné dans la religion. Je vous parle du mécanisme religieux qui permet à l'homme de se payer le luxe de ne pas comprendre, de ne pas savoir, mais de croire. Et l'homme, lorsqu'il saura, lorsque vous serez en mesure de savoir si c'est vrai ou faux. Pas besoin d'aller vous le dire. Dans ce qui est vrai, vous allez le savoir. Dans ce qui est faux, vous allez le savoir. Et ça va être mauditement mieux pour vous. Mais en attendant, c'est épeurant parce qu'on refuse de dire « Merde, je me suis trompé. » Et tout ce que j'ai pensé depuis X nombre d'années, c'est ça le passé du poisson qui doit être abandonné. Mais je dois donc changer de pied. Et l'homme ne veut pas changer de pied. L'homme veut dire « Ben, ça n'existe pas. Ben, c'est pas grave, je l'amène avec moi. » Dans l'ère du Verseau, ça va être impossible. Dernière question écrite. Si, là, quelle est la différence entre l'amour psychologique et l'amour intelligent? L'amour psychologique, c'est une dépendance attractive faite par l'ego sur l'extérieur. Il n'y a pas présentement L'amour psychologique, c'est l'ombre de l'amour intelligent. Ce n'est que l'ombre, une déformation extrêmement vile de l'amour intelligent. Cela veut dire que j'aime ce verre d'eau, j'aime quelqu'un, j'aime les animaux, j'aime une plante. Et cet amour fait que lorsque la plante meurt, je souffre. Que l'animal se fait écraser, je souffre. Et que la personne que j'aime meurt, je souffre. Alors, donc, on est très bien figuré avec cet amour. J'aime cette plante parce que, en réalité, elle suscite en moi une énergie qui m'est complaisante. Alors, ce qui me permet, je l'ai dit souvent et je le répète, de cueillir la plante, donc de la tuer, de la mettre dans un bocal et de l'aimer autant. Parce que je m'en fous de la plante. Parce que l'amour humain se fout de ce qu'il aime. Ce qu'il a d'important, c'est ce qui se trouve à l'extérieur, suscite chez lui. Ça, c'est important. Alors, lorsque toi, tu ne suscites plus chez moi ces énergies, je ne t'aime plus. Et lorsque je vais retrouver quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 10 ans, eh bien, je suis content parce que dans ma mémoire, ce que j'ai fait avec ressurgit. Mais la personne, je ne sais même pas ce qu'elle a d'air. Ça fait 10 ans, je ne sais pas. Et je l'aime. Jusqu'à temps, je me rends compte qu'elle a bien changé. C'est-à-dire qu'elle ne suscite plus chez moi. Moi aussi, j'ai changé. Donc, je ne suis plus aussi suscitable dans ses énergies. L'amour psychologique, c'est un amour qui se nourrit de l'autre. La personne qui fait quelque chose par amour le fait parce que cela lui rapporte quelque chose chez elle. Alors celui qui aime collectionner les papillons, il prend les épingles, il met les papillons dans un poison, il les tue, il les épingle, il aime. Et celui qui aime trop les papillons, bien il ne les tue pas, les épingles vivants, peut-être, je ne sais pas. Il ne peut pas les tuer. L'amour humain... L'amour psychologique, c'est un amour qui est assujetti à la souffrance parce que c'est un attachement. Et l'homme le sait, l'homme parle de s'attacher, je suis attaché à un tel, je viens de me lier, je viens de... Bon, alors il y a le mariage qui fait que l'amour psychologique étant trop fragile, on rentre dedans des contextes et des concepts moraux pour culpabiliser l'homme s'il veut briser le lien d'amour psychologique. L'amour intelligent, l'amour mental, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a une réunion, une relation, une résonance énergétique entre deux êtres ou entre un extérieur et un homme et un intérieur. Cet amour intelligent, c'est qu'il y a une compréhension des mécanismes qui permettent la relation. Cela veut dire que lorsqu'une personne vient à moi, elle est la bienvenue, et lorsqu'elle s'en va, je ne l'attache pas. Ce n'est pas de l'amour psychologique. Cela veut dire que je comprends les mécanismes. Alors donc, quelque chose arrive ici, j'ai besoin, nous sommes en vibration mentale, donc nous pouvons nous parler, non pas d'ego à ego, donc ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire attention à ce que l'autre va penser de l'image que nous avons de lui, etc. Nous parlons de mental à mental, et cette attraction mentale, comme l'attraction psychologique, c'est l'amour mental. Parce que l'amour, c'est de l'attraction. C'est ce qui fait qu'une chose appuie. L'amour matériel fait qu'on a une gravité sur la planète Terre. On est aimé par la Terre et on aime la Terre. On reste collé dessus. Et l'amour, c'est une loi d'attraction. L'amour psychologique fait que tu attires à toi. Et lorsque tu attires plus une chose qu'une autre, tu as l'impression de fuir une chose pour aller vers l'autre. Ça reste de l'attraction, maintenant, à des degrés divers. L'amour intelligent, c'est un amour qui est relié par la logique de l'intelligence. Donc, il n'y a pas d'attachement parce que ce n'est pas logique d'attacher. Une chose passe et on a une relation mentale à mentale et la chose s'en va et c'est normal. Pourquoi normal? Parce que cela est compris par l'intelligence. Donc, il n'y a jamais de souffrance dans l'amour intelligent. Il n'y a jamais d'attachement, d'assujettissement, d'esclavagisme dans l'amour intelligent. Parce que nous comprenons les mécanismes de cette attraction. De ce fait, nous ne pouvons pas haïr non plus. Alors, la différence entre les deux est extrêmement importante. Dans l'un, l'homme est attaché, l'homme est assujetti. Souvent, les personnes qui se conscientisent vont rencontrer une autre personne et au début, il y aura un amour intelligent. Et ils vont se dire, je ne me ferai pas pogner. C'est correct, je le sais. C'est un amour intelligent, à un moment donné, ça ne marche pas, on va casser. Lentement, l'amour intelligent se transforme en amour psychologique. Il s'attache. Pourquoi? Parce qu'il crée un cadre dans lequel ils évoluent, un cadre connu. Et de ce cadre connu, ils ne pourront pas s'échapper après, à moins de grosses souffrances ou de vraies conscientisations, parce qu'ils vont vouloir garder leur sac à dos du passé. Et lorsque l'homme a un amour intelligent, il est capable de s'unir, parce que c'est intelligent de s'unir. Il y a une compréhension, Et lorsqu'ils doivent se quitter, c'est intelligent de se quitter, ils se quittent. Ce n'est pas de la haine parce que ce n'est pas de l'amour psychologique. La haine n'existe que dans l'amour psychologique. Alors la différence entre l'un et l'autre, c'est extrêmement différent. Ça n'empêchera pas l'amour intelligent d'acheter une fleur, de flatter son chien. Parce que nous comprenons que lorsque nous avons de l'amour intelligent, les mécanismes. Le chien est dans un amour psychologique, il a besoin de certaines choses, c'est dans son cadre écologique, évolutif, psychologique, alors je flatte le chien. Et je suis content de flatter le chien aussi, ça me plaît. Mais si le chien ne veut pas se faire flatter, je n'en souffre pas. Alors donc, je suis capable de faire, de vivre un amour beaucoup plus humain, beaucoup plus intelligent, parce que je ne restreindrai pas l'humain à parfaire mon amour que j'ai pour lui. Ce qui arrive souvent. Et on rend malheureux l'autre parce qu'on veut le rendre heureux. Parce qu'on veut se rendre heureux. Et on est heureux quand on est heureux. Alors, je crois pas qu'elle est belle. Alors, ce qui fait que lorsque c'est de l'amour intelligent, on s'est libre. La chose vient, la chose part, et tout continue à fonctionner, et jamais on est attaché. Et nous, on va, et nous, on part. Et si l'autre souffre, ça ne me touche pas. Ça ne peut pas me toucher, parce que je ne peux pas être manipulé, culpabilisé, par la morale psychologique qui me dit que je dois rendre l'autre heureux. Le bonheur de l'autre, ça le regarde. Par contre, je ne dois pas non plus m'évertuer à rendre tout le monde malheureux en me disant que ça les regarde. Je suis intelligent, je suis écologique, je fais attention, mais je ne peux pas passer ma vie avec une personne qui veut absolument grimper son amour psychologique en voulant me conserver. C'est impossible. L'autre, il souffre et c'est son manteau. Et moi, je suis libre parce que je suis intelligent. Mais je ne m'attacherai pas non plus à n'importe qui en me disant que oh, moi, quand j'ai fini, je m'en vais. C'est l'amour psychologique très orgueilleux. L'intelligence de l'amour, il est intelligent parce qu'il est conséquentiel. Donc, il connaît les conséquences, il connaît les lois relatives au karma. Parce que le karma, c'est l'inconséquentialité de l'action humaine. Et c'est la différence entre les deux amours. Tu as parlé tantôt de puissance. Je pense que l'homme ne peut pas s'imaginer tout le débit de cette énergie-là qui va rentrer dans l'ère du Verseau, parce que tu dis toujours, c'est une question de temps, ça va arriver quand même, tu sais. Mais si l'homme conscientise son écosystème, comme tu disais la semaine dernière, ça va arriver plus vite quand même. Mais dans la création, si on regarde, tu as parlé des plantes, tout ça, je veux dire, la plante, elle a produit des fruits, tout ça, est à son maximum, l'animal est à son maximum, il y a juste l'homme là, qui, présentement, est retardataire dans le sens qu'il n'est pas à son maximum. L'homme n'est pas à son maximum, l'homme ne veut pas l'être, l'homme a peur de l'être. La puissance, qu'est-ce que c'est la puissance? Comment la puissance peut apparaître, peut transparaître chez l'homme? C'est sûr que la puissance, elle est difficilement accréditable par l'homme, l'homme qui ne connaît pas la puissance. Vois-tu, quand ma mère est venue m'écouter pour la première fois en conférence, une chance, elle était assise. Si mes professeurs viennent m'écouter, comme c'est déjà arrivé, ben alors évidemment, ils disent, pourtant, c'est pas moi qui lui a instruit ça, alors il a pris ça où? Et c'est toujours le problème qu'on me demande, mais d'où tu prends tout ça? Je prends ça dans ma regarde, je prends pas ça dans les livres, c'est évident. Par contre, qu'est-ce que ça, c'est une forme de puissance, et tout le monde peut l'avoir. Si tu regardes, par exemple, les personnes qui présentement font le PMC3 et qui s'habituent, qui ont une partie du cours est axée sur la parole, bien, à un moment donné, ils finissent à parler. Et ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils disent a de l'allure. Pas tout le temps, mais de temps en temps, ils sont surpris. Ils n'ont pas peur parce qu'ils sont préparés un peu, mais ils sont surpris de voir qu'effectivement, ils ne sont pas des nouilles. Et si tu regardes, c'est un mécanisme de puissance humaine, mais l'homme ne le connaît pas. Si tu regardes, par exemple, disons qu'à un moment donné, moi, je m'en allais, j'étais au volant d'un véhicule d'urgence et on s'en allait sur une tuerie. Et puis, en s'en allant, mon préposé, qui ne connaît pas la puissance, mais à un moment donné, à force de travailler ensemble, il finit par se niaiser, par être un peu plus puissant, prépare déjà certains matériels en prévision de, non pas ce qui va se passer, mais de, ben disons, non pas en prévision, une prédiction comme ça de ce qui va se passer, mais exactement de ce qui va se passer. Alors, c'est exactement comme si tu dis, s'il y a un arrêt cardiaque, je prépare ça. Si c'est un accouchement, je prépare ça. Si c'est un brûlé, je prépare ça. Non, là, je prépare exactement ce qu'il faut parce que la personne sur laquelle on va devoir travailler, elle a besoin de ça. Il ne le dit pas, il sort tout ce qu'il faut. Et quand on arrive, il débarque, il saute par-dessus une clôture. Alors, je vire l'ambulance de bord, je rentre par la cour en arrière parce que c'est en arrière. Et lorsque j'arrive, ben, le matériel, il est tout prêt, tout est là, tout est parfait, tout va bien. C'est une puissance humaine. Et on va dire, mais personne ne se rend compte, parce qu'évidemment, tout le monde est panique. Mais comment mon copain a-t-il retracé immédiatement à travers le labyrinthe de la maison et dans la cour en arrière où ce que c'était? Parce qu'il le savait. Il s'en allait là. Il n'allait pas chercher, il allait aider quelqu'un. Et comment moi je fais pour trouver l'entrée de la ruelle et m'en aller me placer exactement où ce qu'il faut? Ben, je le sais. Et c'est de la puissance, et tout le monde a cette puissance. Le problème, c'est que le monde s'en rend pas compte, s'en trouve énervé pour s'en rendre compte. Quand ils réussissent, ils s'en flattent. Ils n'ont pas à s'en flatter. Ils sont comme ça tout le temps. Ils veulent pas l'être. C'est comme si l'homme se flattait de temps en temps d'être ce qui est. Après ça, il s'évertuerait à être ce qui est pas pour pouvoir se flatter de temps en temps de ce qui est. Tu sais, tu vas dans un examen, tu connais la réponse, mais tu ne fais pas la bonne réponse. Rien que pour en avoir deux de bonnes, pour te dire au moins si tu as eu deux de bonnes. Quand tu pourrais mettre toutes les bonnes réponses. C'est bizarre, là. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications ce soir. C'est bizarre.